père. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bible des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je m'appelle Arthur H. Et je vais vous raconter l'histoire d'Ava et Ivanhoe. Ivanhoe est un grand garçon de 8 ans. Il est très fort, très intelligent et surtout très courageux. Ce jour-là, il marche d'un pas vif et rapide vers la montagne. Mais que fait Ivanhoe si loin de chez lui, loin de sa mère, loin de son père, tout seul comme un grand? Eh bien voilà, c'est bientôt l'anniversaire de sa mère. Et Ivanhoe veut lui faire un cadeau extraordinaire. Or, il a entendu parler d'un fabuleux trésor caché tout en haut de la montagne, dans un lieu que personne ne connaît. Ce trésor est tellement difficile à trouver que nul ne l'a encore déniché. De plus, les gens disent qu'un aigle géant est féroce, avec des griffes aiguisées et un bec très pointu, garde ce trésor et qu'il tue tous ceux qui osent s'en approcher. Voilà ce que fait Ivanhoe ce jour-là. C'est un chasseur de trésors. Bon, voilà. Ivanhoe est arrivé au pied de la montagne. Elle est gigantesque. Elle est tellement haute qu'on ne voit même pas le sommet. Il est toujours caché par un énorme nuage. Le garçon commence l'escalade de la montagne et là, c'est vraiment difficile. Il passe au milieu d'un champ de ronces. Ça le pique partout. Il doit monter sur des énormes rochers. Il n'y a même pas de route. Il escalade une pente avec plein de cailloux qui glissent et badaboum, il tombe. Il s'écorche les genoux. Ses genoux sont pleins de sang. Il a mal. Il pleure. Il a envie d'appeler sa maman. Mais n'oubliez pas qu'il est très courageux. Alors, il ne s'arrête pas. Il continue. Et soudain, il arrive dans une zone toute plate. Là, il s'arrête. Il reprend son souffle. Et il regarde autour de lui. Il y a un petit lac tout bleu. Juste à côté du lac, il y a un arbre solitaire. C'est un pommier avec des pommes toutes rouges. Et dessous, il y a un lapin tout gris. D'abord, comme Ivanhoe a très soif, il va boire l'eau du lac. Oh, elle est glacée. Elle est délicieuse, fraîche et pure. Puis, il se dirige vers le lapin. Bonjour, lapin. Bonjour, garçon, dit le lapin. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je viens chercher le trésor. Ouh là là ! Mais il est tout là-haut, le trésor ! Tu n'y arriveras jamais ! C'est bien trop haut et trop dangereux pour un enfant ! Ça m'est égal. Je veux y aller. Mais tu m'as l'air sacrément audacieux, toi ! Alors je vais te donner un truc. Une information pour t'aider à y arriver, mais à une condition. Laquelle, lapin ? Je meurs de faim. Et je suis trop petit pour attraper ces belles pommes rouges. Le tronc est lisse, on ne peut pas grimper. Si tu arrives à me cueillir une pomme, je te dis mon truc. Mais moi, je sais grimper aux arbres, dit Ivanhoe. Alors il fonce. Mais le tronc est lisse et il glisse. Il y retourne deux fois, trois fois. Et soudain, il trouve les bonnes prises pour s'accrocher. Ivanhoé monte précautionneusement. Il attrape une branche. Il tend une main. Il saisit une pomme. Il la cueille et la lance au lapin, qu'il attrape au vol. Le lapin croque dans la pomme. Elle est juteuse. Elle est délicieuse, dit-il. Je vois que tu es un enfant très malin et courageux, dit le lapin. Pour te remercier, je vais te donner mon truc. Alors voilà. Tu sais, l'aigle géant, celui qui protège le trésor, eh bien, il vient boire tous les jours dans ce lac. Tu peux peut-être lui demander de t'emmener là-haut, s'il ne te tue pas. Bon, adieu et bonne chance. Mais attends, lapin. Mais le lapin court si vite qu'il a déjà disparu dans les broussailles. Ivanhoé s'assoit pour attendre l'aigle. Mais il est si fatigué qu'il s'endort près du lac. Dans son rêve, il entend un grand bruit qui fait flac, flac, flac. Il se réveille, mais le bruit continue. Flac, flac. C'est tout noir autour de lui. Il lève la tête vers le bruit. C'est l'aigle. Le bruit, c'est les ailes de l'aigle. Et il ne fait pas nuit, mais l'aigle est tellement immense qu'il cache le soleil. L'aigle noir se pose à côté du garçon. Il regarde Ivanhoé et lui dit d'une voix terrible. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Ivanhoé tremble de peur. Mais il prend son courage à deux mains et répond. « Je viens chercher le trésor. »« Quoi ? Le trésor ?» dit l'aigle. « Alors je vais te tuer. Mais avant que je te tue, dis-moi pourquoi tu le cherches, ce trésor ?» Je veux l'offrir à ma maman pour son anniversaire. Quoi ? Tu ne veux pas le trouver pour devenir l'homme le plus riche du monde ? Tu veux l'offrir à quelqu'un ? Oui. Nous sommes très pauvres et je vis avec ma famille dans une cabane minuscule. Ma mère est enceinte. Elle a un bébé dans son ventre. Je veux lui offrir le trésor pour qu'elle habite dans une vraie maison. Ah ah ! Mais ça change tout, ça, dit l'aigle. Je vois que tu es très généreux. Dans ces conditions, je veux bien te le donner, ce trésor. Enfin, pas tout, seulement ce que tu pourras emporter. Allez, viens, accroche-toi à une de mes griffes. Je t'emmène. Ivanhoé monte sur la patte de l'aigle et s'agrippe très fort à une griffe. L'aigle ouvre ses immenses ailes et flac, flac, flac, il s'envole. Il monte vers le sommet de la montagne, de plus en plus haut. Ivanhoé est émerveillé. D'en haut, la terre est toute petite. La terre est magnifique. L'aigle a vraiment de la chance de voir la vie d'en haut. Il traverse le nuage et arrive au sommet. Un grand soleil brille. Il se pose près de l'entrée d'une grotte. Mais quelle surprise ! Devant l'entrée de la grotte, il y a une petite fille. Ivanhoé la connaît. C'est Ava, une bonne copine de son école. Ivanhoé, dit l'aigle, je te présente Ava. Elle est courageuse comme toi, alors je l'ai aussi aidée à monter tout en haut. Il y a assez de trésors pour vous deux. Vous pourrez partager. Salut Ivanhoé, dit Ava. Je t'ai observé de tout là-haut. Je t'ai vu tomber et pleurer comme un bébé. Moi aussi, je suis tombé, mais je n'ai pas pleuré. Les enfants, dit l'aigle, voici deux grands sacs. Rentrez dans la grotte et prenez tout ce que vous pouvez. Ava et Ivanhoé pénètrent dans la grotte. C'est incroyable. Les milliers de diamants, de pièces d'or, de pierres précieuses illuminent la sombre grotte. Tout brille et resplendit grâce au trésor. Ils remplissent les sacs et les traînent jusqu'à l'extérieur. Oh, c'est lourd! Allez les enfants, dit l'aigle. Il est temps de partir et de retrouver vos parents. Alors, ils montent chacun sur une patte. D'une main, ils s'accrochent à une griffe. Et de l'autre, ils tiennent fermement leur sac rempli de merveilles. L'aigle noir s'envole. Il retraverse le nuage, puis l'aigle les dépose tout doucement à l'entrée de leur village. Ils se disent adieu, et l'oiseau géant repart vers la montagne. Flac, flac, flac. Quand leur famille retrouve Ava et Ivanhoé, c'est la grande fête. Et quand tout le monde découvre le trésor, oh là là! La mère d'Ivanhoé pleure de rire et de joie. Et après qu'ils ont construit une vraie maison grâce au trésor, eh bien la petite sœur d'Ivanhoé est née. Elle s'appelle Castille. Et elle est née dans une maison pleine de rire et de bonne nourriture. Et Ava et Ivanhoé sont devenus les meilleurs amis du monde. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit.